On va parler de pêche avec notre ami Claude Roy. Salut Claude. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, Claude. Il fait extrêmement chaud. Et là, les gens, tu me disais que les gens, la Ouais, les gens chaleur. s'inquiètent. Ouais. Ouais, les gens s'inquiètent au niveau de la chaleur, savoir si c'est bon. Je veux simplement mentionner que quand il fait chaud, quand on a des grosses hausses de température comme on en a, c'est que c'est la pression atmosphérique est haute. Et si la pression atmosphérique est haute pour nous, c'est-à-dire que si c'est difficile pour la pression sur l'homme, la chaleur, ben c'est la même chose au niveau des poissons. Et quand vous allez ouvrir vos poissons, les poissons que vous allez prendre, quand vous allez les ouvrir, vous allez vous rendre compte que les poumons sont excessivement gonflés. Donc, à l'intérieur du corps des poissons, il y a ce qu'on appelle une vessie natatoire. Et cette vessie-là, avec la pression, elle est gonflée au maximum, prend toute la place dans la cage thoracique. Donc, les poissons, ils n'ont plus de place à manger. Donc, ils vont être très, très, très sélectifs, puis ils vont manger uniquement ce qui est facile pour eux. Donc, ce qui passe à leur portée, ils chasseront pas comme d'habitude. Quand, dans les jours qui vont suivre, on va avoir une baisse de pression, c'est-à-dire que la température va revenir à la normale un peu, là, le poisson va dégonfler ses vessies natatoires, puis là, il va se mettre à remanger partout. Donc, quand on pêche dans une période où c'est chaud, chaud, il faut toujours penser, si quelqu'un fait de la pêche à la traîne, par exemple, faire la pêche à la traîne plus lentement. À la limite, on va à reculons. On a un moteur électrique, on a un moteur à essence. On va aller pêcher, ce qu'on appelle, sur le marché américain, on fait beaucoup ça. Ça s'appelle du backtrawler, c'est-à-dire qu'on va pêcher à reculons, dans la vague. Donc, pour permettre aux leurres de bien descendre en profondeur et de travailler doucement. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pêche comme ça, mais quand on pêche le doré, c'est excessivement productif. Ça parce que ça ralentit l'action du leurre, ça permet aux poissons de mieux attaquer. Donc, ça, c'est une technique de pêche à faire pendant le temps de chaleur. Et quand vous allez prendre vos poissons, quand vous allez les ouvrir, remarquez bien les poumons tout gonflés. Ça, c'est signe que la pression atmosphérique était forte et que le poisson s'est stabilisé dans son eau entre 48 et 54 degrés, puis il mangera pas. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile partant de grosses canicules, mais il faut pêcher plus lentement. OK. Donc, c'est évidemment, donc, là, c'est moins bon aussi, la pêche, quand il fait chaud, même aussi, là, quand il Ben, fait des c'est-à-dire que températures c'est moins trop. bon. Comme je viens d'expliquer, il faut pêcher plus doucement, mais le poisson s'en va pas dans les lacs, là, puis il continue à manger, là. Il va se nourrir plus tard le soir. Il va s'approcher des berges pour aller manger les petits poissons qui, eux, viennent manger les insectes. Le jour, par gros soleil, ça va être un peu plus difficile. Donc, où on fait de la pêche à la dérive, c'est-à-dire que on va se laisser dériver avec le vent. Et ça va être vraiment comme ça qu'on va être capable de bien prendre notre poisson. Ben, on se reparle bientôt, Claude. Merci infiniment, mon ami, puis bonjour à tout le monde. Notre ami Claude Roy qui nous parlait de